There's a war going on outside, no man is safe from. There's a war going on outside, no man is safe from. Je nous rêve de grandes sommes, mais la rue nous rançonne, rarement sobre. Les keufs se prennent pour Charles Bronson. Certains traînent tout seuls et se consolent avec leur conso. Sponso par 8-6, Sky et Scon. Tu peux taille pour une embrouille quelconque, ça se garde pas. Pour un regard, une carpa, 2-3 scalpa. Règlement de compte entre scars là. Donc la tension monte, ça sort le pont. Et au bout du compte, la mort est le carpla. Et les marchands de sable font de l'argent sale. Un tas de gens savent que t'en fais plus en marchant seul. Pendant que d'autres tombent dans la drogue, la chenouf paraît que c'est le truc à la mode, ça sniffe, ça gobe. En manque certains sucent des hommes. Ici on compte en barrette, en plaquette, on traquette. Et tu feras pas long feu si t'as rien dans le froc ou sous la casquette. Si tu te la pètes, ici personne te respecte. Si tu regardes les teurs, inspecte. La rue c'est quoi, quoi, quoi. Du béton et des gens, des bons et des méchants. Des cons et intelligents, des condés, des bouffons. Des caïras, des légendes, des gitans. Des bourgeois, des tigots et des grands. La rue commence là-bas, au scratcher de tourne-disc. Ouais, jusqu'au misla, puis au pointeur au tournevis. Oh, la rue c'est comme la vie, rigolo et plus triste à bon. J'en vois partout qui baisent une pute pour faire un fiche. J'habite en Île-de-France, l'île du plaisir et du vice. Unique au monde, pas de plage, pas de maillot ni d'apéritif. Juste le béton et le périph, les voyous et le shérif. Ouais ouais, la seule verdure c'est dans le Big Mac et les spliffs. Les CRS, la police, les GRPS, la gendarmerie, la douane, la BAC et tout ce qui reste. Le slalom géant, les forces de l'ordre de Sarkolan. Tout pour les écrans, la merde dit shit dans. Pas un pays de collabo, non. Franchement, y'a pas de pauvres en France, y'a pas de facho. C'est de la faute à la délinquance, y'a pas de sous-paye au boulot. De poulet alcoolo. Ouais ouais, y'a pas de pédophile chez les curés mono. Ministré du Jean Bisco, star en ville, si en Clio. Ah ouais, alors au bidibi, les traps c'est des gauches. J'en trappe que dalle, la serre à côté F1, normal. Jean-Pierre perd notre pas, j'parle d'un truc qui connaît rien. La rue c'est quoi, quoi, quoi. Du béton et des gens, des bons et des méchants. Des cons et intelligents, des condés, des bouffons. Des caïras, des légendes, des gitans. Des bourgeois, des tigots et des grands. Car c'est toujours la même merde, regarde tous ces types qui roulent des sticks, disent et s'en foutent des schmicks dans toutes les streets. Toutes les situations, c'est tout pour le fric. Bellec, car si tu flambes trop, tu te retrouves en slip. Les mecs veulent tout et tout de suite, beaucoup s'en battent de taper. Si c'est pour toucher le smic, donc les faire squat le barré. Préfère bouge du shit et moi, j'rate le papier. Faut que je shoot le mic, car on rêve tous de brasser les gars. C'est de baiser l'état, j'ai braqué la caisse. Le rap c'est un cas sans Beretta, pour venger leur test. Les jeunes pratiquent la vendetta, débarquent en caisse péta avant de tirer dans le tas. C'est navrant, on se met ça, jusqu'à 6 du mat. Et lentement on remet ça, mec j'en pisse du mal. T'es sous l'emprise du mal, certains font n'importe quoi. Les mecs font des trucs de fou même si ça rapporte pas. Et si ça marche pour toi, poto, c'est tant mieux. Mais n'oublie pas qu'en banlieue, la réussite fait des envieux. La rue c'est quoi, quoi, quoi. Du béton et des gens, des bons et des méchants. Des cons et intelligents, des condés, des bouffons. Des caïras, des légendes, des gitans. Des bourgeois, des tigots et des grandes.